I have a dream. I don't know how I should be feeling in this sordid mess of me. But if that's true, could I have been so easily forgotten? Dit. Arrête de faire si fais pas ça. Depuis tout petit les coups de pression. Parce que je fais si je fais comme ça. Démission contre ma mère, à coup sûr à cause de ce vice. C'est des pleurs souvent, c'est des larmes versées dans mes versets. La souffrance, celle qui s'est restée dans ta mémoire. C'est l'angoisse de nos cauchemars de gosse qui ne s'efface pas, je sais. C'est pas facile quand t'as le seum de rester sage. Quand la tristesse ne rime plus qu'avec la rage. Mais parfois, la vie ne te laisse pas le choix, pas le temps. Et même si la roue tourne, elle t'attend au tournant. Crois-moi, attends-toi à plus de tourments pour y faire face. Pour tes choix ne s'arrête pas, tu t'enfonces, c'est mort. On s'en sort, plus ça craint, plus les jours défilent, plus les taux se resserrent. Je sais, c'est sévère, mais si tu ne t'arrêtes pas, c'est peine perdue, c'est peine perdue. Avec les mêmes potes, l'air que j'ai vu, ceux qui restent, ceux qui partent, ceux avec qui j'ai été déçu, ceux pour qui la drogue a pris le dessus, amitié rachetée pour de barrettes, ceux qu'on préférait se faire des pépettes, ceux qui s'intéressent jamais, ceux qui mentent, ceux qui sont cherchés, ceux qui font des promesses, ceux qui parlent pour rien dire, je déteste, alors que tout le monde se connaît dans ma tête. L'histoire, tu l'écris pas, les rôles sont imprévisibles, un scénario à faire à chaque fois, et je suis mauvais metteur en scène. Essayer, pas de figurant dans les hautes scènes. Association de mauvais garçons. Autant te dire que j'ai compris la leçon. C'est clair, sur des tours, j'ai cuisine à ma façon. On va le monde. Chacun se pose la question de quoi sera fait demain. Est-ce que vraiment ça peut changer selon tes choix, tes directions? Est-ce que ça sera moins pété, dirigé par l'état totalitaire à utiliser tes capacités? Et si t'es cité en liste rouge, frère, t'as plus qu'à te barrer. Du 16 à Montrouge, personne ne sera épargné. Épargné, épargné. Parole pour les gens du monde, ceux qui souffrent, ceux qui meurent, aux gens d'ici et d'ailleurs, aidons-les à vivre, quelles qu'en soient les conditions, sacrifions pour ceux qu'on aime, partager ne sera plus jamais un problème. Dernier soupir pour les mecs en bas des blocs, on est tous capables de l'incroyable, tout le monde peut y arriver, même si les obstacles sont durs à surmonter, frère, tout le monde sait qu'on est capable, soyons vrais loups indomptables, indomptables.